c'est bien joli d'être copain. Si l'on veut s'entendre, il suffit d'un sourire. Mais en attendant, on perd trop de temps. Ça fait bien longtemps que l'on s'attend. C'est bien joli d'être copain.